haleine poète ont disparu. Hola, soy Andrés y eso es La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. Dans les rues, la foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Hace unos días, muchas personas en muchos países se movilizaron para reclamar a nuestros dirigentes medidas eficaces contra el cambio climático. En cada zona del planeta nos afecta de distintas maneras. Aquí, en Andalucía, tenemos que soportar temperaturas altas y sequedad del ambiente y del suelo. No llueve o tampoco. ¿Dónde están los otoños lluviosos? En octubre tendría que llover. Tiene que llover. Vamos como los indios en las películas del oeste, cantarle a la lluvia para que venga. Y si el mes que viene seguimos igual, seguiremos escuchando canciones sobre la lluvia, que hay muchas en la canción francesa. Empezaremos con todo un clásico. Toute la pluie tombe sur moi, toda la lluvia cae sobre mí, interpretada en francés por Sacha Distel. Es una adaptación de la canción de la película Butch Cassidy and Sundance Kid, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, y que se llevó el Oscar, la canción, el año 1969. Es una canción que parece de otra época porque el personaje se queja de tanta lluvia y se pregunta qué ha hecho a Dios o sus antepasados para que toda la lluvia le caiga encima. Pero siempre ha salido airoso de las situaciones difíciles y después de la lluvia ya es sabido que viene el buen tiempo. Escuchemos Toute la pluie tombe sur moi, cantado por Sacha Distel del año 1969. Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait au bon Dieu ou à mes aïeux pour qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi, oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits, mais je me dis j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi, oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, oui je sais bien qu'après la pluie vient le beau temps, toi j'ai tout mon temps. Viens le beau temps. Semejante actitud optimista tiene Jacques Brel en su canción Il peut pleuvoir, puede llover. Puede llover en las aceras de los grandes bulevares, me importa un bledo. Tengo mi chica a mi lado y mi chica eres tú. Y al sol arriba le grito, buen viaje. Escuchemos Il peut pleuvoir, cantado por Jacques Brel, el año 1953. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos dans son halo de nuages. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos, moi je crie bon voyage. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Aux flaques d'eau qui brillent sous les jambes des filles, aux néons étincelants qui lancent dans la vie leurs postillons de pluie, je crie en rigolant. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, jour et nuit tourner en rond. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, moi je crie à plein poumon. Y a plein d'espoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Et j'en suis riche, j'ai mamie auprès de moi. Il y a plein d'espoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Et j'en suis riche car mamie c'est toi, c'est toi. Jacques Brel murió en 1978 con solo 49 años de una embolia pulmonar. Vivía en los últimos años de su vida en una isla francesa del Pacífico, del archipiélago de las Marquesas, a Tuona, donde se había instalado antes que él, el siglo anterior, el pintor Paul Gauguin. Sus tumbas están cercanas en el cementerio de la localidad. Su amiga, Dalida, quiso rendirle un homenaje tras 3 años después con la canción Il pleut sur Bruxelles, llueve sobre Bruselas. En esta canción hace alusiones a unas 15 canciones de Brel, de las más famosas, enlazándolas en un texto melancólico de recuerdo y añoranza. Pero él duerme tranquilo, no necesita nada, ha encontrado su isla, una isla de sol y de olas de cielo, y llueve sobre Bruselas. Escuchemos Il pleut sur Bruxelles, cantado por Dalida, el año 1981. Assis sur le trottoir, depuis qu'il est tout seul, il est pas beau à voir. Il y a aussi la Mathilde qui est jamais revenue. Il y a aussi la Mathilde qui n'en reviendra plus. Et puis il y a la Frida qui n'a aimé que lui. Chez ces gens-là, on n'est jamais parti. Mais lui, il s'en fout bien. Bruxelles, les marins d'Amsterdam sont plus dans les étoiles, la marine a des larmes, a noyé un canal. Et puis il y a les flamands, n'oublie rien du tout de Vesoula Ostende. On s'habitue, c'est tout. Seul Titine et Madeleine, toi, il est encore là. Elles vont souvent l'attendre au trap 33. Mais lui, il s'en fout bien, mais lui, il dort tranquille. Il a besoin de rien, il a trouvé son île. Une île de soleil et de vagues, le ciel, et il pleut sur Bruxelles. À force d'en parler, à force de dire j'arrive, il y est quand même allé. Il a rejoint Jojo, la fan était Fernand, peut-être un peu trop tôt, mais lui il est content. Il n'a pas entendu que des milliers de voix lui chantent Jackie, ne nous quitte pas. Mais lui il s'en fout bien, mais lui il dort. Vamos a escuchar ahora una canción de otro belga universal, Salvatore Adamo. Balade à la pluie, balada por la lluvia. Otra canción de pérdida, en este caso del ser amado. La lluvia de hoy le recuerda la lluvia de ayer cuando compartía su felicidad debajo de ella. Pero le entristece hoy porque solo puede compartir su soledad. Qué dulce era esa lluvia que nos inundaba de felicidad cuando le hacíamos la promesa de amarnos toda la vida. Qué triste hoy esta lluvia. Escuchemos Balade à la pluie de Salvatore Adamo del año 1964. Douce cette pluie qui ruisselait sur notre amour, nous transportant sur le velours d'un univers de poésie. Quelle était douce cette pluie qui aujourd'hui me fend le cœur en murmurant les litanies, les litanies d'un cœur en pleurs. Elle est triste, cette pluie. Arc-en-ciel.

matin, le fusil à la main, tu t'es caché dans les fougères noires et ton bichet noir on portait sur le dos tes cartouchières. Mais on est revenu si tôt qu'il a plu, sans une cale, sans un canard. Pegamos un salto en el pasado y llegamos al año 1938. En esa época triunfa Bert Silva con sus canciones tristes. Menos conocida que Les Roses Blanches, que escuchamos en el especial, podemos rescatar del olvido esta joyita. La pluie, le vent, la neige, la lluvia, el viento, la nieve. La cantó solo 3 años antes de su muerte, una muerte triste también porque murió alcohólica y un poco olvidada y pobre. Como France Gall va en su automóvil y tiene que lidiar con las inclemencias del tiempo. La canción opone ya, como hoy en día, el disfrute que pueden sacar algunos privilegiados del buen tiempo o de la nieve con la adversidad que representa para los marginados esos fenómenos meteorológicos. En el coche, bebé dice, qué bonita es la lluvia. En la acera, un pobre niño mendigando se lamenta. Qué mala es la lluvia. Escuchemos La pluie, le vent, la neige, cantado por Bert Silva en 1938. Dans l'automobile qui rapide file, bébé est assis, gentiment blotti. À travers la glace, il suit dans l'espace l'eau qui tombe à flot, frappant les carreaux, battant des menottes, montrant ses quenottes. Il dit en riant que c'est beau, maman. Vois les gouttelettes qui partout volettent, quel joli brillant, que c'est amusant. Voyant la joie de son petit, maman dit, la pluie c'est joli. Sur le trottoir, un pauvre petit yot qui n'a que haillons sur la peau, seul se lamente, sans abri, sans pain, sans maman. Tout transi, il dit grelottant que la pluie est méchante. Au tournant des rues, le vent qui se rue comme un ouragan taquine les gens. Un vieux qui bedonne en courant ronchonne après son chapeau qui roule dans l'eau. Une jolie belle rabat dentelle que le vent malin soulève sans fin. Et sa jambe fine sous la mousseline fait dire au bon vieux que c'est délicieux. Ah vraiment qu'il fait bon dehors, le vent devrait souffler plus fort. Dans la tempête, un pauvre marin s'acharnant contre le destin, lutte avec rage. Sur la dune, sa femme là-bas crie serrant ses gosses dans ses bras que le vent est sauvage. Mais décembre arrive et le froid s'avive, c'est un tourbillon de neige flocon. Sur la nappe blanche, c'est une avalanche de joyeux mondains armés de patins. Avec allégresse grisée de vitesse, on glisse par deux, on se sent heureux. Des traîneaux qui passent, filant sur la glace, partent des hurrahs, des cris, des vivas. On se rit du froid et l'on dit, l'hiver, la neige, c'est exquis. Sur la grande route, un vieux chemineux, recouvert par les flots de neige de la tourmente, tombe et dit dans un dernier soupir, enfin j'ai fini de souffrir, que la neige est clémente. Diez años más tarde, Edith Piaf canta una canción de Charles Aznavour que se llama sencillamente Il pleut, llueve. También la cantó el propio Aznavour, pero me parece que la versión de Piaf es más rotunda, más expresiva. Es también la historia de una lluvia triste y de un amor perdido. Llueve, los paraguas tristes compañeros salen uno a uno de las casas, toda la ciudad está mojada, los pájaros desertan los cielos, las ventanas parecen llevar el duelo del buen tiempo, solitarias las calles se aburren, las gotas no saben que mi corazón derrotado ha perdido su amor, sobre mi amor como en la calle. Llueve. Escuchemos Il pleut, cantado por de Charles Aznavour, cantado por Edith Piaf en 1948. Les pépins tristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons se sont enrhumées, les gouttières ont la goutte au nez. Il pleut, comme dirigé par un appel. Les oiseaux désertent le ciel, nuages et loups. Les fenêtres, une larme à l'œil, semblent toutes porter le deuil. Les bons jours, il pleut, et l'on entend des clapotis. La ville n'a plus d'harmonie, solitaire, les rues s'ennuient. Il pleut. J'écoute quand s'égoutte la pluie qui me dégoûte sur les chemins, les routes et partout alentour. Les gouttes qui s'en foutent ne savent pas sans doute que mon cœur en déroute a perdu son amour. Les pépins tristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons se sont enrhumées, les gouttières ont la goutte au nez, il pleut. La nature est chargée d'ennui, là-haut tout est vêtu de gris, le ciel est boudeur. Le nez aplati au carreau, j'attends laissant couler le flot. De mes pleurs, il pleut dans mon cœur au rêve perdu, sur mon amour comme dans la rue, et sur mes peines sans issue. Jacques Prévert es uno de los grandes poetas franceses del siglo XX. Se estudia en la escuela y muchos de sus poemas se han convertido en canciones famosas con la ayuda de su inseparable compañero, el músico Vladimir Cosma. Escribió un poema que llamó Il pleut sur Brest, llueve sobre Brest. Brest es una ciudad de la Bretaña francesa cuya base naval estratégica tomada por los nazis propició que fuera bombardeada constantemente durante la guerra. Es conocido que llueve mucho en Bretaña y hay momentos que llueve bombas. Y Prévert en este poema hace todo un alegato antibelicista. Es la simple historia de dos enamorados que se encuentran en Brest bajo la lluvia con Prévert como espectador y se pregunta qué habrá sido de ellos después de la guerra. Ella se llamaba Bárbara. Lo sabe porque ese hombre grita amorosamente su nombre. Vamos a escuchar la versión de Les Frères Jacques, el más famoso quatuor vocal de Francia, que durante casi 40 años nos deleitó con sus números. Oh, Bárbara, qué salvaje la guerra. Escuchemos Barbara, cantado por Les Frères Jacques, el año 1949, sobre un poema de Jacques Prévert del año 46. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime. Même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime. Même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer.

salía de un sueño o de otro mundo, me sonreía cariñosa, pero como iba a tomarle la mano, ¡boom!, viene la lluvia. Dos días después, bajo el sol ardiente, me ha susurrado te quiero, y cuando la cogí en mis brazos, ¡boom!, viene la lluvia. Y cuando a los días decidimos unir nuestras vidas, ¡boom!, viene la lluvia. Escuchemos Pan, Vla la pluie, cantado por Henri Salvador en 1966. Cette fille allongée sur la plage blonde sortait d'un rêve ou d'un autre monde. Elle me souriait l'air câlin, mais comme j'allais prendre sa main, le soleil brillait et sur la plage elle a murmuré, je t'aime et je suis tout à toi, mais quand je l'ai prise dans mes bras, sur la plage, on a décidé d'unir nos destins pour la vie. Mais sur le chemin de la mairie, terminaremos con una canción escrita por Pierre Delanoë, con una música de Gilbert Bécaud, que además del propio Bécaud, cantaron muchos artistas en varios idiomas. Es un éxito mundial. Le jour où la pluie viendra, el día que llegue la lluvia. En español, Bécaud, Dalida, pero la versión más famosa fue la de los cinco latinos, La lluvia por fin vendrá. Vamos a escuchar una bonita versión cantada por Aida Aznavour, la hermana de Charles, que hizo sus pinitos en la canción. Se había casado con George Gavarens, famoso compositor, entre otras de canciones inolvidables de su cuñado. El día que llegue la lluvia, seremos tú y yo los más ricos del mundo. Los árboles llorarán de alegría aquel día. La triste tierra roja que se agrieta sin fin se llenará de agua. Y el trigo llenará las granjas dormidas y te envolveré de anillos y de collares bonitos, bonitos. Que llueva, por favor, que llueva, y no café, sino agua. Le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches. Plus riche du monde, les arbres pleurant de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde, les plus beaux. Triste terre rouge qui craque, craque à l'infini les branches nues, que rien ne bouge, se gorgeront de pluie, le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis, et je t'enroulerai de bagues et de colliers. La pluie viendra, ce